Charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi. Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux, et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude, et je crains fort de vous aimer. Un peu plus que je ne devrais. Hé, hey, que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ah, ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Je n'en veux point du tout douter. Et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurai rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins, pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui vous faisant négliger les parents et patrie, arrêtent vos pas en ces lieux. Il tient en ma faveur votre fortune déguisée et vous a réduit pour me voir à vous revêtir de l'emploi des domestiques de mon père. Et que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère. Et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Viens, je me retire. Profitez de ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Bien aise de vous trouver seule, ma sœur. Et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà, mon frère, prête à vous ouïr. Qu'avez-vous à me dire? Eh bien, des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père.

quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit. Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Je vois la peau de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin! Je ne dis pas cela! J'enrage! Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais la raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici. Encore une fois! Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Eh bien, ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres. Les autres? Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici, dedans? Voyez vous-même. Ces grands aux choses sont propres à devenir les receleurs des choses qu'on dérobe, et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je vous ai dit que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux! Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui veux-tu parler? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux? Des vilains! Et des ladres! Mais qui est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela! Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent! Tais-toi! Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Rends-moi un sac fouillé. Quoi? Ce que tu m'as pris. Mais je ne vous ai rien fait du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en à tous les diables. Te voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience, au moins. Voilà un pendard de valet qui vient comme un fort. Je ne me plais point à voir ce chien de boîte-là. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bien heureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une franche amorce à voleur. Mais c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Pendant... Je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus. Qu'on me rendit hier 10 000 écus en or chez soi est une somme assez. Chut! Je me serais trahi moi-même, la chaleur m'aura emporté, je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Yes? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là. Quoi? ce que je viens de dire. Non, si fait, si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus? Nous n'entrons point dans vos affaires. Plût à Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Je ne crois pas que... Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des choses... J'en aurais bon besoin. Je pense que... Cela m'accommoderait fort. Vous êtes... Et je ne me plaindrai pas comme je fais. Que le temps est misérable. Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment? J'ai assez de biens? Ceux qui le disent en ont menti. Il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Vous mettez point en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Mais c'est être votre ennemi que de dire que vous avez du bien. Oui, de pareils discours. Et les dépenses que vous faites seront en cause qu'un de ces jours, on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Quelle? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre, depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils. Toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi? Mon père sait que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait! Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher à autre chose? Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques lorsqu'on peut porter des cheveux de sang cru qui ne coûtent rien! Je vais gager qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres, 6 sols, 8 deniers, à ne les placer qu'au denier 12! Vous avez raison. Laissons cela. Parlons d'autre chose. Je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons donc, mon frère et moi. À qui parlera le premier? Et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah! Mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient point d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un mot. Avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Sa physionomie? Tout honnête et pleine d'esprit. Son air et sa manière? admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable. Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage. Sans doute. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle. Assurément. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Bah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. 60 ans. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser. Pourvu que j'y trouve quelque bien. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? Et d'épouser Marianne. Qui vous? Vous? Mais oui, moi. Oh. Oh. Je veux dire cela. Il m'a pris tout à coup un éblouissement. Et je me retire d'ici. Ça ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau claire. Voilà de mes dames oiseaux floués qui n'ont non plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme! Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grands biens. Je ne veux point me marier, mon père! S'il vous plaît! Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariez. S'il vous plaît! Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai pas. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir! Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non! Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose, vous ne me réduirez point. C'est une chose que je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace, a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est à partir où il n'y a rien à redire et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà ma mère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui! J'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non. Mais vous ne sauriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Oui. Et quoi? Je dis que, dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait? Comment? Le Seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Ça aurait-elle mieux rencontré? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder. Avec... C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Et... je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il se faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans doute ! Vous avez raison. Voilà qui décide tout. Cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans doute. Ah, il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien. Qui dit entre peut aller la contre. Ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui auraient mieux ménagé la satisfaction de la fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Et que... Sans dot. Il est vrai. Cela ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Ouais. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent ? Ne bougez. Je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites ? C'est pour ne point l'écrire et pour en venir mieux à vous. Heurter de fond ses sentiments est le moyen de tout gâter. Et il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant. Des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs que la vérité fait cabrer, qui toujours se roidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mène qu'en tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut. Vous en tiendrez mieux, ça vous fout. Mais ce mariage, Valère ! On cherchera des biais pour le rompre. Mais quelle invention trouver si se doit conclure ce soir ? Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais on découvrira la fin de si l'on appelle des médecins. Vous moquez-vous, ils connaissent-ils quelque chose ? Allez, allez. Vous pourrez avec eux voir quel mal il vous plaira et vous trouverons des raisons pour vous dire tout cela bien. Ce n'est rien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour réalise est capable d'une fermeté... Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut pas qu'elle regarde comme un marié fait. Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Oh, voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et prends l'hardiesse de lui parler comme je fais. Mais comment, j'en suis ravi. Et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résiste à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Tu m'obligeras, certes. Il est bon de lui tenir un peu l'abri de l'eau. Mais cela est vrai, il faut... Ne vous mettez pas en peine. Je crois que j'en viendrai à bout. Fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville. Et je reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur, de sagesse et de probité. Ah, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte. Mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors, malgré moi. Et j'ai couru le risque d'être battu. Mais comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père? Amoureux? Oui. Et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble de cette nouvelle, mamie! Lui! Se mêler d'aimer! Oh, de quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Pour lui donner moins de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'as-tu faite? Ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux. Et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous par les mains des fesses Mathieu. La terre ne souffre point. Pardonnez-moi, notre maître Simon, le courtier qu'on vous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous. Et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Oui. Mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez, si vous avez dessein que les choses se fassent. A-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous. Et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom. Et l'on doit aujourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison empruntée pour être instruit par votre bouche de votre bien et de votre famille. Et je ne doute pas que le seul nom de votre père me rende les choses faciles. Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur pour vous être montrés, avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ses sûretés, et que l'emprunteur soit majeur et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire le plus honnête homme qu'il se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18? Parbleu, voilà qui est honnête, il n'y a pas lieu de se plaindre. C'est vrai. Mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre. Sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paye cet intérêt, sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable? Quel juif, quel arabe est-ce là? C'est plus qu'au denier 4. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus. Que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent. Il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose? Ça n'applique qu'un petit article. Des 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1 000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire, et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds à bande de points de Hongrie, appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive, avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu. Plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'omale rose sèche, avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela? Attendez. Plus une tenture de tapisserie des amours de Gombeau et de Massé, plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes ou piliers tournés qui se tirent par les deux bouts et garnis par le dessous de ses 6 escabelles. Mais que j'affaire, morbleu ! Donnez-vous patience. plus 3 gros mousquets tout garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes, plus 1 fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller. J'enrage! Plus 1 luth de Bologne garni de toutes ses cordes, ou peu s'en faut. Plus 1 trou madame et 1 damier avec 1 jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propre à passer le temps lorsque l'on n'a que faire. Plus une peau d'un lézard de 3 pieds et demi, rempli de foin, curiosité agréable pour pendre au plancher d'une chambre. Le tout ci-dessus mentionné valant loyalement plus de 4500 livres et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe avec sa discrétion. Le traître, le bourreau qu'il est, a-t-on jamais parlé d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre, pour 3000 livres, les vieux regatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela. Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut. Car il est en état de me faire tout accepter. Et il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise, dans le grand chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner, prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et l'on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, des inclinations fort patibulaires. Et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Mais à vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler. Et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je vois encore. Oui. Monsieur, c'est un... jeune homme qui a besoin de... d'argent, ses affaires, presse d'en trouver. Et il en passera par tout ce que vous en prescrivez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Et ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous saurez de toutes choses et éclairci par lui-même et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Et cela s'entend. Que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père. Y aurait-on appris qui je suis et serais-tu pour nous trahir? Ah, vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, au moins, qui aurait découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes. Et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment? Monsieur, il n'y a personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment, Bandard? C'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités? Comment? Mon père? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions? C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts incondamnables? C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles? Oses-tu bien après cela apparaître devant moi? Osez-vous bien après cela vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu pas de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables, et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites? De sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers. Ôte-toi de mes yeux, Coquin. Ôte-toi de mes yeux. Qui est plus criminel, à votre avis? Ou celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Retire-toi, te dis-je. Et ne m'échauffe pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure. Ce m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ces actions. Monsieur! Attendez un moment! Je reviens vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un oncle magasin de hardes. Car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. C'est toi, mon pauvre La Flèche. D'où vient cette rencontre? Ah, c'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse. Et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre en rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui. Je traite pour lui une petite affaire dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance, en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'y a rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle, ici! Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever qu'il n'en branlerait pas! En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles. Et si... Mais il revient. Je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Rosine? Ah, mon Dieu! Que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé! Qui, moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard!

Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Elle n'est pas plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard. Avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis, n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Il n'y a pas 4 mois encore qu'elle est en prête d'être mariée. Elle rompit tout net le mariage, sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. Ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Et cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux, quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris et des Apollons. Non. Le beau portrait de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon père Anchise, sur les épaules de son fils. Mais cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé. Et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Une belle drogue que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'y comprends pas. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Peut-être faut le fléfer. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sens des hommes que de jeunes blondins. Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? C'est ce que je dis tous les jours. Avec leur ton de poule l'été, leurs 3 petits bras de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupes, leurs autres choses tout tombant, et leurs estomacs débraillés! C'est bien bâti auprès d'une personne comme vous! Un homme, ça! Il y a là quoi satisfaire à la vue. C'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir. Votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Je ne peux pas mieux. Que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, lisse et dégagé comme il faut. Et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai point de grand, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Ce n'est rien. Votre fluxion, ne vous sied point mal. Vous avez grâce à tousser. Mais dis-moi un peu, Marianne, ne m'a-t-elle point encore vue? N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne. Je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ça lui serait. Voir un mari comme vous. Tu as bien fait. Et je t'en remercie. J'aurais une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelques bontés pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Que vous lui plairez. Que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haute sauce, attachée au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un goût merveilleux. Certes, tu me ravis de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès, mais d'une conséquence tout à fait grande, je suis ruiné si je le perds et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où elle était avant d'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités. Je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je peux prendre. Cela me remettra sur pied. Je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure, monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon garrot soit tout prêt pour vous mener à la foire. Vous ne m'importunerez pas si je ne suis pas déforcé par la nécessité. Et j'aurais soin qu'on souffre de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne refusez pas la grâce, tout seul ici.

Et moi, je te prends pas de quoi, votre mari. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, j'y renonce. Et je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître. Il a quelques droits de me battre. Mais pour ce monsieur, l'intendant, je me vengerai si je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah! Je suis frosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous. Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais votre mine, que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais pas quel il est. Mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer, que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre, et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époque que l'on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondes-là sont agréables, et débitent fort bien leur fait, mais la plupart sont gueux, comme des rats. Il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Oh. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis. Il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, mettra en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toute chose. Oh mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire, lorsque pour être heureuse, il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Moquez-vous, vous n'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve. Bientôt. Ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Voici, en propre personne. Oh, oh, oh Frosine, quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle. Si je viens à vous, avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez, les yeux sont assez visibles d'eux-mêmes et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond pas. Elle ne témoigne, ce ne semble, aucune joie de me voir. Elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte de témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voilà ma fille belle mignonne qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande. Mes mauvaises herbes croient toujours. Oh, l'homme déplaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Je suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y puis plus tenir. Ah, voilà mon fils aussi, qui vous vient faire la révérence. Oh, Frosine, quelle rencontre! Oh. C'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est merveilleuse. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants. mais je serai bientôt défait, et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous, et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix, et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi, et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne pour le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance. Que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts. Et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Voilà un discours bien impertinent, quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire... les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai pas au mariage qui vous chagrine. Elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Je vous promets que tout ce qu'il m'a dit ne m'a pas du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'exprimer ainsi ce véritable sentiment. J'aime de lui un aveu de la sorte. Et... s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage et vous verrez qu'il changera de sentiment. Non, mon père, je ne suis pas capable d'en changer et je prie instamment madame de le croire. Mais voyez quelle extravagance, il continue encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore, avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez madame que je me mette ici à la place de mon père. Et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous. Que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire. Et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus puissants... Doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même. Et je n'ai pas besoin d'un procureur tel que vous. Donnez des sièges. Il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire, afin d'en revenir plus tôt, et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. Remettons les chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, la belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'ai pourvu, mon père. J'ai fait apporter ici quelques bassins d'orange de la Chine, de citron doux et de confiture que j'ai envoyé guérir de votre part. Il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de près. Ouh, il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feu. Lénie, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. Moi ? N'est-il pas vraiment clair que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous ? Comment ? Belle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux pas ! Vous moquez-vous, il la garde de le reprendre. Carole ! De grâce ! Non, vous dites, c'est l'offenser. Je serai ! Pas du tout ! Laisse-moi ! Voilà qui se scandalise de votre refus ! Arrête ! Vous voyez qu'il courant que tu es. Mon père, ce n'est pas ma faute, je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais c'est des obstinés. Pas bien. Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Vous le ferez tomber, malade de grâce, madame. Vous résistez point davantage. Mon Dieu. De toute façon, gardez la bague, puisque monsieur le veut. Vous ne vous pouvez me mettre en colère. Je la garde maintenant. Et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. Dis-lui que je suis empêché qu'il revienne une autre fois. Il dit qu'il vous apporte de l'argent. Je vous demande pardon, je reviens tout à l'heure. Monsieur, je suis mort! Qu'est-ce, mon père? Vous êtes vous fait mal! Le traître, assurément, a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon. Je croyais bien faire d'accourir vite. Que viens-tu faire ici, bourreau? Vous dire que vos deux chevaux sont déferrés. Et qu'on les mène promptement chez le maréchal! En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin où je ferai porter la collation. Venez! Et appelle-le à tout cela. Et François, je te prie de m'en sauver le plus que tu pourras, afin de le renvoyer au marchand. C'est assez. Office pertinent. As-tu envie de me ruiner? Comme vous, et je vous conjure, madame, de me garder toujours cette généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune. Vous êtes par ma foi de malheureuses gens l'un et l'autre, et m'avoir pas avant tout ceci averti de votre affaire. Vous aurez sans doute détourné cette inquiétude et n'aurez point amené les choses où l'on voit qu'elles sont. Que veux-tu? C'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais belle Marianne, quelles résolutions sont les vôtres? Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions? Et dans la dépendance où je me vois, puis-je former que des souhaits? Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits? Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection agissante? Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place et voyez ce que j'ai pu faire. Avisez, ordonnez vous-même, je m'en remets à vous. Et je vous crois trop raisonnable pour vouloir exiger de moi que ce qui peut m'être permis par l'honneur et la bienséance. Hélas, où me réduisez-vous que de me renvoyer à ce que voudront me permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur et d'une scrupuleuse bienséance? Mais que voulez-vous que je fasse? Oh. Je pourrais passer sur quantité d'égards où notre sexe est obligé. J'ai de la considération pour ma mère. Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême. Et je ne saurais me résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle. Employez tous vos soins à gagner son esprit. Vous pouvez faire et dire tout ce que vous voudrez. Je vous en donne la licence. Et S'il ne tient qu'à me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu moi-même de tout ce que je sens pour vous. Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir ? À ma foi, faut-il le demander ? Je voudrais de tout mon cœur. Vous savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le ciel ne m'a pas fait l'âme de bronze. Je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits services quand je vois les gens qui s'entraînent en tout bien et en tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci ? Mais songe un peu, je te prie. Ouvre-nous des lumières. Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait. Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait déraisonnable. Et peut-être pourrait-on la gagner, la résoudre, à transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y trouve, c'est que votre père est votre père. Mais cela s'entend. Je veux dire qu'il conservera du dépit si l'on montre qu'on le refuse et qu'il ne sera pas d'humeur ensuite à donner son consentement à votre mariage. Il faudrait pour bien faire que le refus vint de lui-même. Et tâcher par quelques moyens de le dégoûter de votre personne. Tu as raison. Ben oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait. Mais le diantre d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez. Si nous avions quelques femmes, un peu sur l'âge, qui fut de mon talent, jouaient assez bien pour contrefaire une dame de qualité par le moyen d'un train fait à la hâte et d'un bizarre nom de marquise ou de vicomtesse que nous supposerions de la Basse-Bretagne, j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre père que ce serait une personne riche, outre ses maisons de 100 000 écus, en argent comptant, qu'elle serait éperdument amoureuse de lui et souhaiterait de se voir sa femme jusqu'à lui donner tout son bien par contrat de mariage. Je ne doute pas qu'il ne prête à l'oreille à la proposition, car en vrai, il vous aime fort, je le sais bien, mais il aime un peu plus l'argent. Quand ébloui de ce leurre, il aurait une fois consenti à ce qui vous touche. Il apporterait peu ensuite qu'il se désabusa en venant à vouloir voir clair aux effets de notre marquise. Tout cela est fort bien pensé. Laissez-moi faire. Je viens de me souvenir d'une de mes amies qui sera notre fête. Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance si tu viens à bout de la chose. Mes charmantes Marianne, commençons, je vous prie, par gagner votre mère. C'est toujours beaucoup faire que de rompre ce mariage. Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes et les charmes tout-puissants que le ciel a placés dans vos yeux. Dans votre bouche, et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces douces prières, de ces caresses touchantes et de ces tendres paroles à qui je suis persuadé qu'on ne saurait rien refuser. J'y ferai tout ce que je puis et n'oublierai aucune chose. Ouais, mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère et sa prétendue belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère là-dessous ? Voilà mon père ! Le carrosse est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira. Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire ! Non, demeurez ! Elles iront bien toutes seules. Et j'ai besoin de vous. Oh ça, mon fils, intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne? Ce qui m'en semble? Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. Ah, ah! Mais encore? Vous en parlez franchement, je n'ai pas trouvé ici ce que je l'avais cru. Son air est de franche coquette, sa taille est assez gauche, sa beauté très médiocre et son esprit des plus communs.

J'aime une fille que je veux épouser. Et le pandard a l'insolence de l'aimer avec moi et d'y prétendre malgré mes ordres. Ah. N'est-ce pas une chose épouvantable qu'un fils qui veut entrer en concurrence avec son père? Et ne doit-il pas, par respect, s'abstenir de toucher à mes inclinations? Vous avez raison! Laissez-moi lui parler et demeurez là. Eh bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, j'en ai recul point. Il ne m'importe qui ce soit, et je veux bien aussi me rapporter à toi, maître Jacques, de notre différend. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes voeux et reçoit tendrement les offres de ma foi. Et mon père s'avise de venir troubler notre amour par la demande qu'il en fait faire. Il a tort, assurément. N'y a-t-il pas de honte, à son âge, de songer à se marier? Lui sait-il bien d'être encore amoureux? Et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux jeunes gens? Vous avez raison! Il se moque! Laissez-moi lui dire deux mots. Eh bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le dites. Il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit, qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur et qu'il ne fera point refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le traiter mieux que vous le faites et lui donner quelques personnes en mariage dont il ait lieu d'être content. Ah, dis-lui, maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toute chose de moi et que, hors Marianne, je lui laisse la liberté de choisir celle qu'il voudra. Laissez-moi faire. Eh bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous le faites. Et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis en colère, qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir. Et qu'il sera fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez. Vu que vous vouliez vous y prendre par la douceur et lui rendre les déférences, les respects et les soumissions qu'un fils doit à son père. Ah, maître Jacques, tu lui peux assurer que s'il m'accorde Marianne, il me verra toujours le plus soumis de tous les hommes et que jamais je ne ferai aucune chose que par ses volontés. Cela est fait. Il consent à ce que vous dites. Voilà qui va le mieux du monde. Tout est conclu, il est content de vos promesses. Oh, le ciel en soit loué! Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble, vous voilà d'accord maintenant. Et vous alliez vous quereller, faute de vous entendre. Mon pauvre maître Jacques, je te sais obligé toute ma vie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Ça m'a fait grand plaisir, maître Jacques. Et cela mérite une récompense. Voilà. Je m'en souviendrai. Je t'assure. Je vous baise les mains. Je vous demande pardon. Mon père. De l'emportement que j'ai fait paraître. Cela n'est rien. Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable. Quelle bonté à vous d'oublier si vite ma faute. On oublie aisément les fautes des enfants lorsqu'ils rentrent dans leurs devoirs. Quoi, ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances? C'est une chose où tu m'obliges par la soumission et le respect où tu te ranges. Je vous promets, mon père, que jusqu'au tombeau, je conserverai dans mon cœur le souvenir de vos bontés. Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose au monde que de moi tu n'obtiennes. Ah, mon père, je ne vous demande plus rien. Et c'est m'avoir assez donné que de me donner Marianne. Comment? Je dis, mon père, que je suis trop content de vous et que je trouve toute chose dans la bonté que vous avez de m'accorder Marianne. Qui est-ce qui parle de t'accorder Marianne? Vous, mon père. Moi? Sans doute. Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer? Moi, y renoncer? Oui. Point du tout. Tu ne t'es pas départi d'y prétendre? Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. Quoi, Pandare? De rechef? Rien ne me peut changer. Laisse-moi faire, traître. Fais tout ce qu'il vous plaira. Je te défends de me jamais voir. À la bonne heure. Je t'abandonne. Abandonné. Je te renonce pour mon fils. Tout ce que vous voudrez. Je te déshérite. Soit. Et je te donne ma malédiction. Je n'ai que faire de vos dons. Un monsieur que je vous trouve à propos. Suivez-moi, vite! Qu'y a-t-il? Suivez-moi, vous dis-je! Nous sommes bien! Quoi? Voici votre affaire! Comment? J'ai guigné ceci tout le jour! Qu'est-ce que c'est? Le trésor de votre père! Que j'ai attrapé! Comment as-tu fait? Où sont les tout? Sauvons-nous! Je vais l'entendre crier! L'assassinat, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut ça être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne point courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Rends-moi mon argent, coquin. Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. J'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami. On m'a privé de toi, et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre, sans les faits. N'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup. Qu'avec beaucoup de soin, on est épié l'heure. Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fiche, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble à mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce. Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont peur sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite. Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gels, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après.

J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette, trop honnête. Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'a profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette. Il parle d'elle comme un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure et elle vous peut rendre témoignage. Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Oui, monsieur. Elle a été témoin de notre engagement. Et c'est après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a aidé à persuader votre fille de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. La pudeur de qui? De votre fille. Et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui, comme de ma part, je lui en ai signé une. Oh ciel. Autre disgrâce! Écrivez, monsieur! Écrivez! Redressement de mal! Surcroît de désespoir! Allons, monsieur, faites le dû de votre charge et dressez-lui voir son procès comme larron et comme suborneur! Ce sont des noms qui ne me sont point dus et quand on saura qui je suis. Fille scélérate, fille digne d'un père comme moi. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Mais vous serez trompés l'un et l'autre. Quatre bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me fera raison de ton audace. Ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire et l'on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis amusé de dire une potence et tu seras roué tout vif. Ah mon père! Prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez point entraîner au premier mouvement de votre passion. Et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus il y a longtemps. Oui. Mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille. Tout cela n'est rien. Et il valait bien mieux pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel. Non, je ne veux rien entendre. Et il faut que la justice fasse son devoir. Tu paieras mes coups, patron. C'est un étrange embarras. Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les hommes. Et voilà bien du trouble et du désordre au contrat que vous venez faire. On m'assassine dans le bien. On m'assassine dans l'honneur. Et voilà un traître, un scélérat qui a violé tous les droits les plus saints, qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique pour me dérober mon argent et pour me suborner ma fille. Qui songe à votre argent dont vous me faites un galimatia? Oui, ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affront vous regarde, Seigneur Anselme, et c'est vous qui devez vous rendre partie contre lui et faire toutes les poursuites de la justice pour vous venger de son insolence. Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force et de rien prétendre à un cœur qui se serait donné. Mais pour vos intérêts, je suis prêt à les embrasser ainsi que les miens propres. Voilà, monsieur, qui est un honnête commissaire, qui n'oubliera rien à ce qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut, monsieur, et rendez les choses bien criminelles. Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour votre fille. Et le supplice, où vous croyez que je puisse être condamné pour notre engagement lorsqu'on saura ce que je suis? J'en ai marre de tous ces contes! Et le monde aujourd'hui n'est plein que de ces larrons de noblesse que de ces imposteurs. qui tire avantage de leur obscurité et s'habille insolemment du premier nom illustre qu'ils servissent de prendre. Sachez que j'ai le cœur trop bon pour me parer de quelque chose qui ne soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma naissance. Dobo, prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus que vous ne pensez. Et vous parlez devant un homme à qui tout Naples est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez. Je ne suis point homme à rien craindre. Et si Naples vous est connu, vous savez qui était Don Thomas d'Albursi. Sans doute, je le sais. Et peu de gens l'ont connu mieux que moi. Je ne me soucie ni de Don Thomas, ni de Don Martin. De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire. Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour. Lui ? Oui. Allez-vous vous moquer ? Cherchez quelque autre histoire qui vous puisse mieux réussir et ne prétendez pas vous sauver sous cette imposture. Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture. Et je n'avance rien qu'il ne me soit aisé de justifier. Quoi, vous osez vous dire fils de Don Thomas d'Albursi ? Oui, je l'ose. Et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit. L'audace est merveilleuse. Apprenez pour vous confondre qu'il y a 16 ans pour le moins que l'homme dont vous nous parlez périt sur mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples et qui en firent exiler plusieurs nobles familles. Oui, mais apprenez pour vous confondre, vous, que son fils, âgé de 7 ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi, qu'il me fit aimer comme son propre fils, et que les armes furent mon emploi dès que je me trouvais capable, que j'ai su depuis peu que mon père n'était point mort comme je l'avais toujours cru. Que passant ici pour l'aller chercher, une aventure par ici à concerter me fit voir la charmante Élise, que cette vue me rendit esclave de ses beautés, et que la violence de mon amour et les sévérités de son père me firent prendre la résolution de m'introduire dans son logis et d'envoyer un autre à la quête de mes parents. Oui, mais... Quel témoignage encore, autre que vos paroles, nous peuvent assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité. Le capitaine espagnol a caché le rubis qui était à mon père, un bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras, le vieux Pedro, ce domestique qui se sauve avec moi du naufrage. Hélas, à vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point. Et tout ce que vous dites me fait clairement connaître que vous êtes mon frère. Ma sœur. Oui. Mon cœur s'est ému dès le moment que vous avez ouvert la bouche et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenu des disgrâces de notre famille. Le ciel nous fit fois aussi périr dans ce triste naufrage, mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre liberté. Et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère et moi, sur un débris de notre vaisseau. Après 10 ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit notre liberté. Et nous retournâmes dans Naples, nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait déchirée. Et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint dans ce lieu où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante. Ô ciel, quels sont les traits de ta puissance et que tu fais bien voir qu'il n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants, et mêlez tous de vos transports à ceux de votre père. Vous êtes notre père ? C'est vous que ma mère a tant pleuré ? Oui, ma fille. Oui, mon fils, je suis Don Thomas d'Albursi. Oh. Que le ciel garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait. Et qui, vous ayant tous cru mort durant plus de 16 ans, se préparait, après de longs voyages, à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne la consolation de quelques nouvelles familles. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie à retourner à Naples m'a fait y renoncer pour toujours. Et ayant su trouver moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué ici. Où, sous le nom d'Anselme, j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m'a causé tant de traverses. C'est là votre fils ? Oui. Je vous prends à partie pour me payer 10 000 écus qu'il m'a volés. Lui, vous avoir volé ! Lui-même ! Qui vous dit cela ? Maître Jacques ! C'est toi qui le dis ? Vous voyez que je ne dis rien. Voici, monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition. Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche ? Capable ou non capable, je veux ravoir mon argent. Vous ne tourmentez pas, mon père ! Et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire. Et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il ? Ne vous en mettez point en peine, il est en lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez, et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté ? Rien du tout, voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, et que le ciel avec un frère que vous voyez vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos voeux. Seigneur Harpagon. Non. Vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qu'il n'est point nécessaire d'entendre et consentez, ainsi que moi, à ce double mêlé. Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour eux. Que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages ? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait ? Oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un habit. D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente. Hola, monsieur, hola ! Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me paiera mes écritures ? Mais nous n'avons que faire de vos écritures ! Et je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien. Pour votre paiement ? Voilà un homme que je vous donne à pendre. Hélas ! Comment faut-il donc faire ? On me donne des coups de bâton pour dire vrai. Et on me veut pendre pour mentir. Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture. Vous paierez donc le commissaire. Ou soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère. Et moi ? Voir ma chère cassette ? Oui.